Pour les voir le 20 juin au soir, il fallait répondre à la question qui vous était posée par Steven. La suivante, comment s'appelle le chanteur d'Indochine? C'est Nicolas Sirkis, évidemment. Ben voilà. Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné des places pour venir assister à ce concert dans notre grand studio. Et vous serez accueilli avec grand plaisir et beaucoup de gens. Ça sera diffusé le samedi 30 juin à 15h avec l'ami Eric Jean-Jean. Formidable. Et on salue Eric Jean-Jean. Maintenant, on n'a plus qu'à saluer Julien Courbet. Très élégant, cravate, presque un physique de chien. Le Golden Boy. Oui, exactement. Le Golden Boy. Alors, je suis plus boy que golden. Hein, ah bon? Savoir en ce moment, mais Golden Boy, oui, oui, voilà. Je suis en train de racheter le groupe M6, comme vous le savez. J'ai été à la poste ce matin voir mon conseiller. Il m'a dit que j'avais suffisamment sur mon... Sur mon PL, là, je ne sais trop quoi. Donc, vous voulez qu'on fasse un court béton, non? Exactement. Un court béton, ça serait très bien. Voilà. Bon, tout va bien cette semaine. Très bien, oui. Eh bien, allons-y. C'est le week-end et on est heureux de vous retrouver. Et allez les bleus, mon Yves. Allez les bleus. C'est parti. Nous allons donc démarrer avec ce matin des missions. Des missions que nous envoient les auditeurs d'RTL en direct. Il y aura la mission de Joël. Je vous appelle du Nord. Mon agence immobilière n'a pas versé les cotisations à l'assurance loyer impayé. J'ai fait condamner cette agence en raison de manquements graves. Elle me doit 4 384 euros. Nous enchaînerons avec la mission de Jean-Marie. Je vous appelle de l'Essonne. Je suis propriétaire d'une maison dans l'Yonne. Ma parcelle est séparée par celle de mon voisin par un mur qui mesure 30 mètres de long et n'est absolument pas sécurisé. Les pierres s'effondrent régulièrement. Mon fils a d'ailleurs été blessé. D'ailleurs, si on peut saluer nos amis de l'Essonne, hein, qui, je crois, ont été touchés là par... J'ai vu des images, mais incroyables, sur l'autoroute. On avait l'impression qu'on pouvait faire du surf dessus. Nagia nous envoie une mission également. Je vous appelle des Alpes-Maritimes pour ma fille. Entre deux contrats, elle a changé de banque. Donc, le virement de son salaire du mois de mai 2017 a été fait sur son ancien compte. Et depuis, elle n'arrive pas à récupérer son argent. La banque et son ancien employeur se renvoient la balle. Et nous avons pour régler tous ces problèmes les meilleurs avocats. Maître Novakovic, avocate pénaliste, droit de la famille. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Maître Felonneau. Bonjour à tous. Hervé Pouchol, négociation. Bonjour Julien. C'est Céline qui est au standard. Bonjour à tous. Toutes les équipes peuvent vous aider. Il vous suffit de nous joindre. Vous avez choisi le 9h30, 11h. L'émission la plus écoutée de France. Elle est sur RTL. Et pour nous joindre, c'est le 3210. Pour nous joindre, c'est le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Et nous avons Joël qui est en ligne. Bonjour Joël, bon début de semaine. Vous êtes sur RTL en direct. Vous nous appelez d'où, Joël? Alors, bonjour Julien. Je vous appelle du Nord, des Hauts-de-France. Déjà, c'est bizarre comme histoire. Continuez, Joël. Alors, mon problème, c'est le suivant. Je suis propriétaire d'un appartement qui est destiné à la location. On a confié la gestion de cet appartement à une agence immobilière qui ne nous a pas payé les loyers. Bon, donc, je suppose que vous donnez un petit coup de fil à l'agence en leur disant que se passe-t-il? Vous nous louez notre appartement, il est loué, pourquoi je n'ai pas les loyers? Que vous répond-il? Alors, écoutez, c'est une affaire, mais ils ne nous répondent plus. Hein. De toute manière, on a dû aller au tribunal pour faire valoir nos droits, pour pouvoir casser le bail avec cette agence, pour pouvoir le relouer ensuite. J'ai bien compris que vous me dites que non seulement ils ne payent pas les loyers, mais que vous avez dû aller au tribunal pour qu'une agence qui encaisse vos loyers vous les donne. Tout à fait. Et elle continue à ne pas vous les donner. Ah, donc il y a eu un jugement qui a été fait et malgré ça, on attend toujours la somme qui nous est due. Bon, alors est-ce que cette agence est toujours ouverte? Qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être qu'elle est en train de déposer le bilan, de fermer, vous en savez plus? Non, elle est encore pignon sur rue. Enfin... Ça, c'est sûr. Des problèmes. On n'habite pas sur place. Hein, d'accord. Mais de toute manière, quand je regarde sur Internet, elle est encore. Alors, le problème d'Internet, c'est que, vous savez, les sites ne sont pas forcément réactualisés. C'est pour ça que nous avons cherché à joindre. Après, je donne la parole à Maître Novakovic, Philippe Fix, qui, vous le savez, est notre huissier de justice, celui d'RTL, le meilleur, the best. Il est en ligne avec nous. Philippe, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Philippe, je vous ai demandé de bien vouloir jeter un petit coup d'œil, parce que si effectivement l'entreprise est en train de fermer, là c'est un tout autre problème et RTL ne pourra rien pour Joël. Est-ce que vous avez pu avoir, s'il vous plaît, quelques informations sur cette agence? Tout à fait Julien, effectivement, j'ai regardé le cas, il y a bien une décision de justice, elle a tenté d'être appliquée par un huissier sur place, Malheureusement, comme souvent, ce sont des dossiers où, oui, cette agence, elle est connue de l'étude. Ça part toujours mal quand je dis ça. Il y a eu d'autres dossiers similaires. Et en fait, sur place, effectivement, c'est un petit local avec un bureau, un ordinateur. Les déblocages de comptes ont été tentés de multiples fois. Et malheureusement, le compte est débiteur. Donc aujourd'hui, on est face à une impasse où on n'a pas de moyens de recouvrer la dette, qui est pas énorme. Je crois que c'est 3 000-4 000 euros. Bon, enfin, ça reste une somme. Le problème, c'est que s'ils sont une dizaine à 3 000-4 000 euros, ils ne paient pas. C'est ça le problème. Voilà. On est d'accord. Bon, c'est le problème. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, la seule solution, ce serait de mettre en redressement ou en liquidation judiciaire, parce qu'effectivement, sur place, il y a toujours de l'activité. C'est ça qui est fou. Il y a deux choix. Il y a effectivement, soit on décide de l'assigner en liquidation en disant cette société est en cessation des paiements, arrêtez tout ça. Maintenant, ça ne donnera pas à votre auditrice de l'argent. Ouais. C'est ça qui est difficile. Alors, Le deuxième cas qui peut plus intéressant, Julien, juste très rapidement, c'est que cette agence, elle fait des ventes et donc elle touche des commissions chez des notaires. Donc, il faudrait être un petit peu informé sur place, ce que l'huissier essaie d'avoir, mais pour l'instant, il n'a pas d'éléments pour pouvoir en fait capter, bloquer cette commission chez le notaire lorsqu'il y a une vente qui est signée. Mais moi, ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, c'est qu'il continue justement de travailler. Je crois que parfois, il vaut mieux savoir s'arrêter pour redémarrer. Mais là, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne vont pas être payés, ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la situation sera tellement intenable qu'ils seront obligés de fermer. Là, Maître Novakovic, enfin, je ne sais pas comment un juge peut percevoir ça. On continue, on fait de l'acharnement alors qu'on laisse sur le bord de la route des gens qui ne sont pas payés. Alors, Julien, il est pénalement répréhensible le fait de ne pas déposer le bilan, justement, dans les 15 jours de la cessation des paiements. Donc, manifestement, cette entreprise est en cessation des paiements parce qu'elle ne peut pas régler ses dettes. Donc, je rejoins parfaitement Maître Fix à ce niveau-là concernant le fait qu'on pourrait assigner en redressement ou liquidation judiciaire parce que même, il arrive effectivement que des entreprises, lorsqu'elles sont assignées, ont un sentiment, effectivement, d'angoisse totale parce qu'elles ne veulent pas en finir et du coup, règlent ce qu'elles doivent. Donc, peut-être, on ne sait pas est-ce que c'est de la mauvaise foi ou pas. Dans tous les cas, on lui rendrait même service parce qu'on ne peut pas laisser la situation en l'état. Je vous rappelle que le jugement date de 2015. Alors, pour être très clair, est-ce que actuellement l'agence continue de s'occuper de votre appartement? Non, on est d'accord, Joël. On ne fait plus appel à elle. D'accord. Combien de loyers vous doivent-ils? De mars 2014 à octobre 2014. Mais est-ce qu'au moins le locataire payait les loyers à l'agence? Alors, là, c'est aussi un problème. C'est que lorsque l'ancien locataire, lorsque le nouveau locataire a été pris par l'agence, entre guillemets, cité par l'agence, celui-ci ne s'est jamais présenté dans les lieux, n'a jamais pris possession des lieux, n'a jamais pris les clés. Maître Félonneau. Le bail n'a pas été signé. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agence est condamnée non pas pour avoir encaissé des loyers et ne pas les avoir reversés, c'est qu'elle a été condamnée à l'équivalent de perte de loyer, puisque dans sa gestion, elle a été fautive. Elle a choisi un candidat qui n'était pas solvable, elle ne l'a pas poursuivi pour avoir les loyers, et donc elle laisse sur le carreau ses clients et la prime d'assurance, Julien. Les primes d'assurance ne sont pas visiblement reversées à la compagnie d'assurance. Nous allons donc appeler dans quelques instants. Maître Fix, merci de nous avoir donné des informations. Si j'ai besoin de vous, je peux me permettre de vous rappeler? Oui, tout à fait. Puis je reviendrai vers vous si j'ai moi des informations par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux primes chez le notaire. Vous êtes toujours au bar club chez Bettina, à cette heure-ci le lundi matin? Je demande la chambre bleue, comme d'habitude. D'accord. Eh bien, tout à l'heure, et je ne vous souhaite pas une bonne matinée, car nous savons, Hervé Pouchol et moi-même, qu'elle sera bonne, car... nous connaissons bien Bettina. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous embrasse tous. À bientôt. Voilà, votre épouse qui est à côté me dit oui. Bon, ça va, je vais l'embrasser. Elle vous embrasse aussi. À bientôt, Maître Fix. Donc, nous allons dans une seconde appeler, si vous le voulez bien. Et il va falloir avoir cette agence au bout du fil. Que vont-ils nous répondre? Comment une agence peut-elle encaisser des loyers et ne pas les reverser? Ça va se passer dans quelques secondes sur RTL. Noroto. Question. Pourquoi Noroto garantit tous les pneus au prix les plus bas? Parce que j'ai pas envie de devoir expliquer à ma femme que notre week-end en amoureux est passé dans les pneus. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, Noroto vous rembourse la différence. Noroto. Conditions en centre et sur noroto.fr. Allez, dis-moi, t'as une bonne nouvelle à m'annoncer. Eh bien, je te l'annonce, Antoine Griezmann. Dans mon magasin Sport 2000 d'Éragny, nos experts ont tout donné pour la fête des pères. Jusqu'au 17 juin, le Polo Home Oxbow est à 29,95€, soit 40% de remise. Alors là, ça match. Merci, Antoine Griezmann. Ça match. Voir conditions en magasin. Vous voyez le type qui rigole avec des gens là, sur l'aire d'autoroute ? C'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage, temps libre, covoiturage, Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus, son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition. Disponible sur vinciautoroute.com. Élever seul ses enfants, ça arrive. S'occuper d'un parent dépendant, ça arrive. Faire face à une maladie grave, ça peut arriver aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez à votre vie personnelle ou professionnelle. Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimer avec deux M, c'est vous permettre d'accompagner vos salariés dans leurs difficultés, grâce à plus de 200 experts en action sociale. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que vous avez croisé votre ami d'enfance au volant de sa très chic Peugeot 108 ultra personnalisable avec écran tactile, vous tenez absolument à la conduire et connectez votre smartphone avec Mirror Screen pour lui faire écouter votre playlist. En ce moment, la Peugeot 108 style suréquipée est à partir de 79€ par mois avec écran tactile et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 850€, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'appel à l'agence est lancé, alors ils n'ont pas encaissé, ils auraient dû encaisser, ce qui est différent, mais de toute façon il y a un jugement et celui-ci est incontestable, qui réclame 4 384€. À cette agence créée en 1902, donc un peu d'expérience. Vont-ils répondre ? Plusieurs numéros sont à notre disposition. Apparemment, le premier ne répond pas. Vous êtes Dauphès Immobilier, bonjour. Je me suis trompé, ça répond. Je ne me suis pas trompé, ça ne répond pas. Nous essayons donc le deuxième numéro. Je me suis bien fait avoir. J'étais persuadé que quelqu'un répondait. Je n'arrive plus maintenant. Et ce sont les premiers signes de la vieillesse à distinguer un répondeur d'une vraie personne. D'ailleurs, là, je vous vois, Maître Fellonneau, je ne sais même pas si vous êtes un répondeur ou une vraie personne. Dites-moi la vérité. Non. Non, ce n'est pas une réponse. Soit je suis, oui, une vraie personne, soit je suis un répondeur. Deuxième numéro qui vient d'être fait. Rien du tout. Non, non plus. Tout à l'heure, nous avons réussi pourtant à avoir quelqu'un. Troisième numéro qui va être tenté maintenant. Toujours rien. Celle-là, c'est le troisième numéro. Pour l'instant, rien du tout. Bon, alors on essaie non-stop, c'est souvent comme ça si vous êtes fidèle de l'émission. Et puis là, dans quelques instants, vous allez entendre une petite alerte. Ça voudra dire que quelqu'un est en ligne, c'est ça l'alerte. Et nous le basculerons immédiatement sur l'antenne d'RTL. À mon avis, ils sont peu nombreux dans l'agence. Il suffit que quelqu'un appelle pour monopoliser cette personne. On est sur le coup, Joël, vous ne bougez pas, vous êtes un cas prioritaire. Le deuxième cas va arriver dans quelques instants. Oui, il s'agira de Jean-Marie. Son terrain est séparé de son voisin par un mur dangereux. Son fils a même été blessé par des pierres qui se sont effondrées. Et ce voisin ne fait absolument rien. Bien, et sur le cas de Joël, hein, on rappelle qu'on est sur le coup, puisque nous sommes en train d'appeler Patrick Buello aussi, puisqu'il essaie de... Casser le bail ! Puisque c'est ce qu'elle veut. Casser le bail ! Casser un bail, c'est pas facile. Casser le bail ! Allez, dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, le cas numéro 2, mesdames et messieurs, mais voici ceux qui vont enflammer votre matinée, faire démarrer maintenant votre semaine sur les chapeaux de roue. Ladies and gentlemen, now, Pasadena Street Edge. Oh oui, j'avais oublié qu'il est route. On peut te dire qu'il a fait une fausse route, là. Quand on fait comme ça, en général, il l'a rattrapé à temps. Il aurait pu s'étouffer, mais il a pu immédiatement le régurgiter, bravo. Et là, il danse pour vous. Voici, mesdames et messieurs, le funk comme nous l'aimons. Ça bouge ce matin sur RTL. Belle semaine à vous tous. nothing to do right. No, right on. I said that beat was right on. Pasadenas, vous êtes sur RTL et nous sommes là pour vous aider chaque matin. Le cas numéro 1 a été lancé tout à l'heure, Charlotte. Il s'agit de Joël. L'agence immobilière qui avait son appartement en gestion ne lui reversait plus les loyers et n'avait pas payé les cotisations à l'assurance loyer impayée souscrite par Joël. Elle a été condamnée à lui reverser 4384 euros. Nous avons essayé d'appeler l'agence. Trois numéros, ça ne répond toujours pas, Céline. Non, toujours pas, malheureusement. Hervé, on essaye hors antenne. Vous essayez de votre côté, bien sûr, d'avancer avec cette agence. Il nous faut quelqu'un avant de sortir le porte-voix. Une dizaine de fois, ça sonne, mais ça ne répond pas. Attendons. Messagerie. Lançons le cas numéro 2, celui de Jean-Marie qui est en ligne avec nous. Jean-Marie, bonjour. Jean-Marie, bonjour. Et voilà, je vous appelle de l'Essonne. Alors Jean-Marie, on va déjà se parler entre amis. Un petit bonjour ne nuit pas, Jean-Marie. Vous m'avez peut-être dit bonjour, mais je ne l'ai pas entendu. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous m'avez dit bonjour, Julien? Oui, j'ai dit bonjour Julien. Ah ben vous voyez, je ne l'ai pas entendu. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que quand on m'appelle, il faut dire bonjour Julien. Je ne donne pas de leçon de politesse, mais comme j'ai dit bonjour Jean-Marie, que j'ai entendu tout de suite l'affaire qui commence. Bon, tout va bien, vous êtes de quel côté vous Jean-Marie? Alors, je suis du côté de l'Essonne, je vous appelle de l'Essonne. Est-ce que c'est toujours la cata? On voit des images là sur l'autoroute. Ce qui dit qu'il ne se passe rien au niveau du climat, que tout est normal, qu'ils jettent un petit coup d'œil à ce qui se passe dans l'Essonne. Ils verront quand même que la planète en ce moment ne va pas super bien. Comment ça se passe là-bas dans l'Essonne? Ben pour l'instant c'est calme, mais tout hier c'était un déluge de grêle, de grêlons, plus une pluie torrentielle. Donc c'est vraiment oui la planète se déchaîne. Alors vous n'êtes pas là pour nous parler de ça, mais de votre parcelle qui est séparée avec votre voisin par un mur. Allez-y. Voilà, tout à fait. Donc je suis propriétaire d'une maison dans Lyon et mon terrain est séparé de celui d'un voisin par un mur de pierre d'une trentaine de mètres de long, qui est très dangereux. Et mon fils a d'ailleurs été blessé par une pierre qui lui est tombée sur le tibia. Au mois de juillet 2017. Des photos sont sur le Facebook, la page ça peut vous arriver de l'état du mur. Continuez, je vous écoute Jean-Marie. Voilà, donc dès le lendemain, parce que notre mairie avait personne, donc dès le lendemain nous l'avons fait constater par monsieur Claude Millot qui est maire de Moussier en Puisaye, et on lui a montré la jambe de notre fils. Voilà, donc ça fait plus d'un an que ce mur est rien n'est traité. On nous fait miroiter qu'ils vont le refaire, que voilà, ils vont commencer les travaux. Jean-Marie, c'est une maison de retraite qui possède ce mur que nous appelons immédiatement pour commencer à établir le contact, soit au cas où ça prendrait du temps, et nous verrons par la mairie après. Il y a des photos donc sur le Facebook, ça page, ça peut vous arriver, et Maître Fellonneau nous dira après quel est le rôle de la mairie quand il y a comme ça un problème de mur. Bon là quand même à la maison de retraite ça devrait répondre. Maison de retraite de Saint-Sauveur, vous dites bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'éventuellement monsieur François-Xavier Lejeune est là s'il vous plaît? Ne quittez pas. Je vous en prie, merci madame. Donc vous récupérez l'appel Hervé, dès que vous avez cette personne, vous lui expliquez le but de notre appel. Maître Fellonneau nous fait une règle d'or dans une seconde sur le mur. Vous avez choisi RTL, deux cas ont été lancés à n'importe quel moment. Vous pouvez nous appeler au 3210 ou sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Merci d'avoir choisi la radio qui va vous faire vivre aussi le mondial, puisque la Coupe du Monde, ça sera bien sûr sur RTL. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout... À l'occasion des jours nouveaux départs ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Écoutez... Vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. L'outil qui fera de la fête des pères un jour inoubliable se trouve cette année dans le pack Fête des pères de Beer Wolf. Il renferme 12 délicieuses bières artisanales et de spécialité. Livraison gratuite à domicile, chez vous ou votre père. Rendez-vous maintenant sur beerwolf.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le filet de 1,5 kg de pommes de terre Carrefour Bio Origine France à seulement 1,90 €. Alors cuisiné en salade, au barbecue, en papillote, à la maison tout le monde adore. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio française sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour, Carrefour Market et aussi dans leur drive, le filet de 1,5 kg de pommes de terre Carrefour Bio est à seulement 1,90 €. Carrefour. Soit 1,27 € le kilo, catégorie 2, calibre 35+, différentes variétés, détails produits sur carrefour.fr. Découvrez le monde avec Turkish Airlines. Achetez votre billet entre le 28 mai et le 17 juin, puis voyagez entre le 1er octobre et le 31 mars au départ de France à destination d'Istanbul, des 159 euros. Phuket, des 409 euros. Bangkok, des 419 euros. Jakarta, des 489 euros. Et les Maldives, des 599 euros. Plus d'informations sur turkishairlines.com. Turkish Airlines, widen your world. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances ? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé ? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok. Profitez de l'ouverture exceptionnelle ce samedi pour effectuer votre bilan départ en vacances. Il vous est offert. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. Leclerc. Oh génial, t'as acheté des cerises. Chez Leclerc, des cerises françaises et à prix Leclerc. Elles sont délicieuses. Ah ben on est en plein dans la saison des cerises là. J'adore. Mais bon ben on se calme. Encore une. Du 12 au 16 juin chez Leclerc, la barquette de 750 grammes de cerises catégorie 1 calibre 26+, origine France, est à 3,49€, soit 4,65€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. T'imagines même pas combien j'aime les cerises. Ah si si, on a bien compris là. So Cook. Cuisine équipée. Chez So Cook, c'est cadeau sur l'électroménager Beko. Du 6 au 30 juin, pour un électro acheté, un électro offert, deux achetés, deux offerts, trois achetés, trois offerts. Et ça, c'est So Electro. So Cook. Cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous sommes toujours sur le cas donc de Jean-Marie. Voilà ce que Jean-Marie nous a dit. Je vous appelle de l'Essonne. Je suis propriétaire d'une maison dans Lyon. Ma parcelle est séparée par celle de mon voisin par un mur qui mesure 30 mètres de long et n'est absolument pas sécurisé. Les pierres s'effondrent régulièrement. Mon fils a d'ailleurs été blessé. Hervé, nous avons appelé donc la maison de retraite qui possède apparemment ce mur, la résidence Gandry en Bel-Air, qui se trouve à Saint-Sauveur en Puisaye. Et vous avez eu plusieurs personnes, racontez-nous Hervé. Alors j'ai eu tout d'abord une personne à l'accueil, j'ai commencé à me présenter, à expliquer la raison de notre appel. Ensuite, je lui ai demandé à parler à François Xavier, qui est le directeur. Je lui ai envoyé un petit message, il m'a rappelé, et quand je l'ai eu et que je me suis présenté, il m'a dit « Vous êtes sur une ligne professionnelle » et il a raccroché. Alors, bon, rappelons-le sur sa ligne privée alors. Voilà. Mais rappelez-le s'il vous voulez bien maintenant, Céline, essayons de... Je pense qu'il pense que c'est une blague. Il y a de fortes chances. Après, Maître Félonneau, vous intervenez là vraiment dans une seconde, c'est imminent. Vous pouvez vous préparer pour nous dire quel est le rôle que peut jouer la mairie là-dedans. En plus, les personnes âgées peuvent se blesser aussi si les gamins de l'autre côté du mur peuvent se blesser. Oui, sauf que là, c'est un mur de 30 mètres de long qui sépare en fait des champs. Ouais, il y a de très grandes propriétés entre deux propriétés privées. Il y a deux personnes âgées qui sont en balade. Paris, c'est sur cette mur. Bah, tiens, arrête, vois pas. Elle prend l'élan, tu vois pas. Elle commence à courir. Elle saute en Foxbury. Là, le mur, il y a une pierre qui ne tient pas bien et la personne âgée pourrait se faire très très mal. Bon, ça ne répond pas, vous continuez, Hervé. Alors, Maître Félonneau, déjà, une petite règle d'or concernant ce mur et ensuite le rôle de la mairie, c'est parti. La règle d'or sur RTL. Maître Fellonneau. Eh bien, quand on est propriétaire d'un bien, on doit l'entretenir. Et si effectivement le défaut d'entretien est susceptible de blesser quelqu'un, on peut être condamné à des dommages et intérêts supplémentaires à évidemment l'obligation de procéder aux travaux de réfection. On n'en est, j'espère, pas là. On en est à des promesses et des intentions de réparer le mur, mais il semblerait que ces promesses et ces intentions soient bien lentes à se mettre en marche. Ça doit coûter cher, je suis d'accord. Mais quand même, des pierres qui tombent sur un gamin, ça peut coûter encore plus cher, surtout quand on est averti. Je voudrais qu'on fasse maintenant un petit point actu, puisqu'on l'a vu, Maître Novakovic, un petit rebondissement, des appels à témoins lancés de nouveau dans l'affaire de Nordal Le Landais, vous qui êtes avocat de pénaliste. Alors, qu'est-ce qui peut pousser la gendarmerie ou la police à lancer un appel à témoins ? De vérifier s'ils pouvaient se trouver sur les lieux. Effectivement, concernant la disparition des victimes, on sait très bien qu'il y a des... On ne sait pas qui est l'auteur. Donc peut-être, s'il est passé par là, peut-être serait-il l'auteur. On estime que ça pourrait ressembler à des choses qu'il a avouées, même s'il est aujourd'hui présumé innocent. Et du coup, on cherche des témoins qui pourraient confirmer qu'il serait là ce jour-là. Exactement, vérifier s'il a pu passer à cet endroit au moment précis de la disparition. Voilà, donc ça, on en saura plus, puisque l'appel à témoins a été lancé, je crois, hier ou aujourd'hui. Nous allons voir si des gens se manifestent. En ce qui nous concerne, nous avons maintenant quasiment passé la première demi-heure d'émission. Voici un premier point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a démarré avec Joël. Joël a confié la gestion de son appartement à une agence immobilière, mais au bout d'un moment, l'agence a cessé de lui verser les loyers et pour cause, la locataire censée habiter les lieux n'en avait en fait jamais pris possession. Nous avons essayé d'appeler, toujours rien de votre côté. Hervé, vous essayez non-stop ? J'ai laissé plusieurs messages, mais sur le répondeur, la dame explique que si jamais on tombe sur le répondeur, c'est qu'elle est en visite. Donc dès qu'elle aura le message, je pense qu'elle nous rappellera. Sinon, on sort le porte-voix dans quelques instants. Deuxième cas à l'instant, celui de Jean-Marie. Il est en litige avec son voisin à cause d'un mur de 30 mètres de long qui menace de s'effondrer. Ce mur appartient à ce voisin et celui-ci ne fait rien. Et puis le troisième cas arrive dans une seconde. Ça sera celui de Nagia. Sa fille a travaillé pour une grande enseigne de prêt-à-porter. Au cours de son contrat, elle a changé de banque. Son salaire de mai est parti sur son compte clôturé depuis. Impossible de récupérer l'argent. Alors quand le compte est clôturé, j'aimerais bien savoir qui touche l'argent. Parce que nous, on a déjà vu de l'argent qui partait chez des gens qui n'avaient rien demandé. Mais là, on va se poser quand même la question. Où qu'il est l'argent ? Vous êtes sur RTL, première radio de France. Avec le président a disparu, Bill Clinton crée l'événement. Car il y a des secrets que seul un président peut connaître. Car il y a des décisions que seul un président peut prendre. Plongé dans les trois journées les plus terrifiantes qu'un président des États-Unis puisse affronter. Le président a disparu, le thriller visionnaire de Bill Clinton et de James Patterson, l'auteur de Polar le plus vendu au monde. Une sortie mondiale aux éditions Lattès. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Je viens de faire installer les tout nouveaux pneus utilitaires toute saison Michelin sur la camionnette de Monsieur Galera. L'Agilis Cross Climate, ce pneu est incroyable. Il est adapté à toutes les conditions météo. Les flancs sont renforcés comme sur les camions et sa longévité est tellement bonne qu'en moyenne, c'est 4 pneus économisés tous les 100 000 km. Et d'ailleurs, les sociétés peuvent aussi profiter de la promo sur ce pneu. Jusqu'au 30 juin chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 80€ pour l'achat de pneus Michelin été ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr, mention légale sur Michelin.fr. À la ménopause, je suis prête à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Avec Ménophytea Rétention d'eau, j'ai vu le résultat. La formule experte de Ménophytea contient des actifs végétaux tels que le frêne et l'hibiscus qui améliorent les fonctions d'élimination de l'eau de l'organisme. Essayez, vous comprendrez. À la ménopause, Ménophytea s'impose. Ménophytea est un complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. La French Touch Renault est fan de Star Wars et du pilote Han Solo. Vous êtes fan vous aussi ? Alors venez aux portes ouvertes. En plus d'offres exceptionnelles sur toute la gamme, tentez de gagner un voyage à San Francisco pour deux personnes ou des places de cinéma. N'hésitez plus, tentez l'aventure dans le réseau Renault. Portes ouvertes ce week-end. Jeux gratuits sans obligation d'achat, voire règlement du jeu sur Renault.fr. Ouverture selon autorisation. French Touch touche française. Et découvrez Solo, A Star Wars Story, actuellement au cinéma. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Christopher, toujours en tête de la course depuis 30 km. Il maintient une cadence confortable loin devant le peloton. Mais que fait-il ? Il sort de sa trajectoire pour s'arrêter dans un centre Best Drive ? En ce moment, chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 € pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. Alors, il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité, bien sûr, construire un balcon, ouais, et agrandir le salon, okay, pour la fin de la semaine. Ça ira ? Vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 € par mois. Loyer après apport de 1 450 €, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford, Lease, Bréman et Lease, voir Ford.fr. Merci d'avoir choisi RTL. Nous vous informons et nous reprenons nos cas dans quelques instants. Deux cas lancés, un troisième arrive, ça bouge de tous les côtés. Bonne semaine à tous. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Deux fillettes de 3 et 5 ans retrouvées mortes hier près de Lyon à Limonest dans les logements d'une caserne de gendarmerie. Le père est gendarme, il a été entendu jusque tard hier soir. Sa femme, visiblement choquée, a été conduite à l'hôpital. C'était elle qui a donné l'alerte et elle serait la principale suspecte. Elle aurait empoisonné ses deux filles en l'absence de son mari. Dans la Drôme, les enquêteurs continuent de creuser la piste Lelandais. Deux appels à témoins sont relancés ce matin pour les disparitions inquiétantes d'une femme en 2011 et d'un homme en 2016, à chaque fois près du domicile de l'homme déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Mais pour l'instant, les enquêteurs sont très prudents. Il n'y a pour l'instant aucun lien précis avec le parcours de Nordal Lelandais. Face au blocage des raffineries et des dépôts de carburant, le ministre de l'Agriculture affiche sa fermeté. Invité d'RTL ce matin, il a assuré que le gouvernement ne reviendra pas sur l'accord avec Total qui suscite la colère des agriculteurs, accord qui permet au groupe pétrolier d'importer l'huile de palme pour faire tourner sa raffinerie de biocarburant de La Mède dans les Bouches-du-Rhône. Les agriculteurs craignent que ça pénalise les ventes de colza français. Les syndicats appellent à bloquer 14 sites stratégiques depuis hier soir et pendant 3 jours. Blocages illégaux, martèle Stéphane Travert qui assure qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant. Un bras de fer entre l'Italie et Malte qui refusent d'accueillir les 629 migrants secourus par le bateau l'Aquarius en Méditerranée. Les Italiens viennent d'élire un gouvernement populiste et leur ministre de l'Intérieur, le leader d'extrême droite Matteo Salvini, accuse le gouvernement maltais de ne pas prendre sa part. Ce dernier affirme que les sauvetages ont eu lieu dans une zone qui dépend de Rome et donc Malte n'aurait aucune obligation de prendre en charge ces migrants. Le navire est donc toujours en attente entre Malte et la Sicile. Mauvaise nouvelle pour ceux qui se chauffent au gaz. Selon le Figaro, la commission de régulation de l'énergie préconise d'augmenter le tarif du gaz naturel de 6% à partir du 1er juillet prochain. La bourse à Paris, petite hausse à l'ouverture, actuellement plus 0,24%. Le CAC 40 autour des 5463 points. La météo, 27 départements en vigilance orange, notamment pour des risques d'orage ponctuellement forts du bassin parisien au Pays de la Loire, mais aussi pour une crue marquée dans le Gers et le Tarn-et-Garonne. Cet après-midi, le temps en Bossade va concerner quasiment tout le monde. Le beau temps va résister en Corse. Quelques éclaircies de retour aussi sur le Finistère, la pointe du Cotentin, le Boulonnais et la Côte d'Azur. Les températures 20 degrés à Rennes, 22 à Paris, à Limoges, à Montélimar, 24 degrés à Dijon, 26 à Metz et à Nancy, 28 à Bastia et le maximum 29 degrés pour Mulhouse. Les courses, c'est à Maison Lafitte cet après-midi. Voici les pronostics de Bernard Glace pour l'arrivée du Quintet. Il vous conseille de miser sur le 2, l'As, le 16, le 10, le 9, le 11, le 5, le 8 et la dernière minute, c'est l'As Bagherati. Il est 10h04 sur RTL, c'est l'heure de retrouver Julien Courbet. Alors, moi qui m'y connais un petit peu, je miserai plutôt sur le 2, l'As, le 16, le 10, le 9, le 11, le 5 et le 8. Et vous verrez que c'est forcément moi qui aurai... C'est une bonne chose. Je crois que c'est le pronostic de Bernard Glace. Ah bah ça, j'en sais rien. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À 11h pour de nouvelles infos. Vous écoutez le 9h30, 11h, voici l'émission qui règle vos problèmes, qui essaie en tout cas, qui met toute la bonne volonté nécessaire pour le faire. Point info, si vous le voulez bien. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons allons commencer par le cas de Joël. En 2015, elle a fait condamner l'agence immobilière qui avait son appartement en gestion. On lui doit 4 384 euros. Impossible pour l'instant d'avoir l'agence immobilière. Dans quelques instants, je sors le porte-voix. Nous essayons non-stop avec vous, Céline. Oui, une petite alerte sur ce dossier. Nous aurions un autre numéro puisque le gérant de cette agence immobilière serait également gérant d'une agence de voyage. JB, vous avez d'autres choses à nous dire? Non, mais exactement. On a repéré tout ça là tout à l'heure. Effectivement, le gérant, le co-gérant qui serait le père de l'actuelle gérante, effectivement, gère aussi une agence immobilière dans la même ville, à Alès. Alors, c'est l'histoire d'un gérant qui est co-gérant et qui gère des gérants. Alors, il lui dit, dis donc, gérant, tu gères la gérance de la co-gérante. Il dit, bah non, t'as rien compris, c'est le gérant qui a géré la co-gérance. Ah ben, ok. On va essayer d'en savoir plus. Merci en tout cas, mais c'est pas facile, JB. Je me mets à votre place. Par contre, ça bouge sur le cas numéro 2. Jean-Marie, un conflit l'oppose à son voisin à cause d'un mur qui sépare leur propriété. Ce mur est dangereux, il appartient au voisin, mais ce voisin ne fait pas les travaux nécessaires. Et ça bouge, Hervé, nous aurions quelqu'un en ligne? Vous avez la maison de être en ligne, une dame qui connaît parfaitement le dossier. Bonjour madame, je me présente, j'espère ne pas vous déranger, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Vous m'entendez? Oui, mais moi je ne parlerai pas à la radio. D'accord, alors est-ce que vous pouvez parler... Je raccroche. Oh, non, merci. Écoutez-moi madame, hors antenne, je vous déconnecte revoir, de... Oh, ta mère est prête à ton nom, dis-toi, j'ai dit, maman, il n'y a plus personne pour toi. Donc c'était la résidence Gandry en Bel Air. C'est dommage parce que j'allais lui dire, on va se parler hors antenne si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation de parler à l'antenne. Alors, racontez-nous un petit peu quand même le contexte, Hervé Pouchol, puisque vous avez eu cette dame pendant les infos. Bah, je lui ai expliqué la raison de l'appel. Dites-moi, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants que le problème de mur? Elle a raison, donc nous allons essayer de régler ce matin sur RTL le conflit israélo-palestinien. Nous attaquerons ensuite à la fin dans le monde. Ensuite, nous allons essayer de voir si nous pouvons stopper le cancer d'une manière ou d'une autre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme si je disais à cette dame, est-ce que vous ne pensez pas, plutôt que sortir et promener une personne âgée cet après-midi, il y a autre chose à faire, vous ne pouvez pas essayer de régler. Il y a toujours mieux à faire. Nous, notre job, c'est tout. De régler... Non, mais c'est pas tout. Tous les problèmes. On assume, c'est les bobos du quotidien. Après, il y a des présidents de la République, des ministres qui gèrent des problèmes plus importants, mais c'est tellement facile de dire ça quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Donc, je redemande à François-Xavier Lejeune de bien vouloir nous rappeler de la résidence Gandry en Bel Air, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Les photos du mur sont sur le Facebook. Effectivement, c'est pas très grave. C'est pour ça que ça ne demande pas une intervention à la minute. Ça demande juste d'essayer de planifier ça. Vous essayez de m'appeler le maire, s'il vous plaît, Céline. Oui, oui, et nous l'aurons dans quelques instants sur RTL. Le troisième cas va arriver. C'est le cas de notre amie Nadia qui nous dira ceci. Je vous appelle des Alpes-Maritimes pour ma fille. Entre deux contrats, elle a changé de banque. Donc le virement de son salaire du mois de mai 2017 a été fait sur son ancien compte. Et ben, depuis, elle n'arrive pas à récupérer son argent. La banque et son ancien employeur se renvoient la balle. Où est l'argent? Qui va rendre l'argent? Sur un compte fermé, c'est quand même très bizarre qu'on ne le rende pas à son propriétaire. C'est normalement ce qui devrait être fait. Nous appelons la banque dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Bonne semaine à vous tous. Serge ? Oui, Céline ? Cesse de te prélasser sur ce sofa et suis-moi maintenant essayer le confort sensationnel de Citroën C4 Space Tourer. Maintenant ? Oui, car ce sont les jours, c'est maintenant chez Citroën et c'est maintenant qu'il y a des reprises sans précédent. Eh bien Céline, s'il s'agit de confort et de prix sans précédent, je te suis de suite. Pendant les jours, c'est maintenant, profitez de 6000 euros de reprise sur Citroën C4 Space Tourer équipé de 15 aides à la conduite. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Équipement selon version, enfin valable jusqu'au 30 juin, sous conditions de reprise, détails sur citroën.fr. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas une senior, je suis Patricia. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, l'occasion de partir en week-end avec mes copines. C'est pour cela que Patricia a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui inclut l'aide aux aidants. Elle a pu être conseillée et accompagnée pour mettre en place un relais de qualité pendant son absence. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur EOVI-MCD.fr. À la ménopause, je suis prête à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Avec Ménophytea Rétention d'eau, j'ai vu le résultat. La formule experte de Ménophytea contient des actifs végétaux tels que le frêne et l'hibiscus qui améliorent les fonctions d'élimination de l'eau de l'organisme. Essayez, vous comprendrez. À la ménopause, Ménophytea s'impose. Ménophytea est un complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Alors, il faut refaire toute la toiture. Avec l'étanchéité, bien sûr. Mmh. Construire un balcon. Ouais. Et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99€ par mois. Loyer après apport de 1 450€, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau Transit Courier Ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford Lease, Bremany Lease, voir Ford.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec le troisième cas. Je vais tout de suite accueillir Nadia sur l'antenne d'RTL. Nadia, bonjour. Bonjour Julien. Oh, à la bonne voix Nadia. Vous nous appelez d'où? Des Alpes-Maritimes. Si, je sens que vous êtes de bonne humeur. Et pourtant, sa fille n'a plus une thune. En 2017, sa fille travaille dans une grande enseigne de prêt-à-porter et c'est vous qui continuez à raconter l'histoire sur RTL, Nadia. Oui, voilà, donc elle a un souci avec son ancien employeur qui lui a fait un virement sur un compte qui avait été clôturé quelques temps avant. Et depuis, ben, rien du tout, elle n'arrive pas à récupérer son salaire du mois de mai. C'est très simple, c'est clair et je me tourne tout de suite pour ne pas perdre de temps vers Maître Novakovic avec cette règle d'or. La règle d'or sur RTL. La banque se trompe, ça peut arriver, rien de grave. Elle fait un virement sur un compte qui est fermé. Donc cet argent ne va nulle part. Donc je ne vois pas où est la difficulté pour le reprendre et là, soit le mettre sur un bon compte, soit le rendre à la personne. Tout à fait, Julien. La banque devrait faire une attestation de rejet. Malheureusement, elle ne le fait pas. Résultat de l'opération, l'employeur, qui aussi pourrait très bien vérifier sur ses comptes s'il est débité ou non, veut une sécurité et veut absolument être en possession de l'attestation de la banque, comme quoi effectivement son virement a été rejeté. Donc finalement, chacun se renvoie la balle et on a au milieu et ben cette jeune fille qui n'est toujours pas réglée de son salaire dont elle a absolument besoin. En juillet 2007, on lui écrit par mail que le virement a été rejeté, que l'argent est retourné. Elle envoie une copie de ce mail à son employeur. Pour ce dernier, cette preuve ne suffit pas. Il réclame un courrier de la banque signé et tamponné en bonne et due forme. Votre fille fait la demande à la banque, mais celle-ci lui répond qu'elle ne fait pas ce genre de papier. Mmh. Et au bout du compte et au milieu de cette partie de ping-pong, qui est COCU? C'est le client, comme d'hab. L'employeur dit « moi, il me faut ce papier ». La banque dit « moi, je n'ai pas à faire ce papier ». Et vous, vous êtes là au milieu, alors que vous n'avez rien fait, rien demandé. Et ça, c'est insupportable, Maître Fellono. Moi, je trouve ça scandaleux, parce que c'est un formalisme qui, finalement, peut se comprendre de la part de l'employeur qui voudrait vérifier si ce n'est pas, vous savez, des phishing, des faux mails, des faux... Mais ok, mais à un moment, stop. Et la banque devrait faire ce document, mais l'employeur devrait également vérifier s'il n'a pas récupéré les fonds, tout simplement, pour arrêter de retarder ce remboursement. Il était en concert, nous allons appeler dans une seconde pour demander des explications et à l'employeur et à la banque. Écoutons celui qui a fait un concert, là, je crois ces jours-ci, et qui a fait un carton. C'est Calogero avec ce titre 1987. Sur RTL. La guitare. L'animateur qui ne sait pas quoi dire. Les couleurs sur les baskets. Bon appétit si vous êtes à table. Les crayons dans les cassettes. Prudence sur la route. Je rembobine, tu te souviens. Mais également dans les airs. Bon, les airs. Ces rêves pleins de disquettes. À Paris, c'était les Stets. 1987. Tu sais de tous ces je te souhaite. Tu l'auras à ton tour de 1987. C'est Calogero 1987, nous sommes toujours sur RTL sur le cas de Nadia. Ça fait un an qu'elle attend son salaire, enfin sa fille attend son salaire de mai 2017. Ce salaire aurait été versé sur un compte clôturé. Son ex-employeur refuse de refaire un virement. Et donc du côté de l'employeur... Merci d'avoir appelé Primark Cagnes-sur-Mer du Polygone Riviera. De rien. Si vous appelez pour connaître les horaires d'ouverture de votre magasin, non. Tapez 1. Non. Pour savoir comment échanger ou retourner un article... Tapez 2. Non. Pour parler à un membre de l'équipe, tapez 0. Oui. Vous trouverez également plus d'informations. Tapez 0, s'il vous plaît, pour parler à un membre de l'équipe. Nous sommes toujours... Bastien Sauveur, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le bureau de madame Loisy? Je ne peux pas vous la passer d'ici, je suis désolée. Vous pouvez me la passer d'où? Du poste, parce que j'en suis pas actuellement, je suis internée. Alors attendez, je comprends pas bien madame, parce que vous êtes soit loin du téléphone, soit la ligne est mauvaise. Comment je peux faire pour avoir madame Loisy? Ou alors le service comptabilité ou ressources humaines? Je pourrais pas vous les passer, je suis désolée. Au revoir, merci. Madame, il faut que j'appelle à quel numéro? Je peux pas vous donner ce numéro, je suis vraiment désolée. Alors, je lance sur l'appel d'RTL un message à madame Loisy. Quand on appelle Primark, centre commercial, on a une dame qui nous dit qu'elle peut nous passer personne. Comment peut-on faire, madame Loisy, pour vous avoir, s'il vous plaît? Charlotte, dis donc, ce matin, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont mangé épicé. Je suis dans une période de raccrochage en ce moment qui vraiment dépasse l'entendement. Les gens ne sont pas gentils avec moi, moi qui leur tends la main pour les aider. Carlotta. Oui, juste un détail. Donc là, on était au magasin du centre commercial Polygone Riviera à côté de Nice. Madame Loisy, c'est la directrice générale France. Donc, on pourrait la joindre à un siège qui se trouve rue de la Victoire à Paris. Malheureusement, impossible de trouver un numéro de téléphone de ce siège. Mais en c'est revanche, dingue. Oui. On a un numéro de téléphone pour le service ressources humaines de Primark Polygone Riviera. Vous le faites tout de suite, s'il vous plaît. Alors, je suis quand même navré qu'on entende des choses pareilles. Oui. C'est-à-dire que cette dame ne puisse pas le passer. Évidemment qu'elle ne peut peut-être pas. Mmh. On va le prendre dans quelques instants, l'appel. Mais comment elle nous dise, écoutez, je vais me renseigner. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour madame. Je voudrais, bonjour, s'il vous plaît, le service ressources humaines de, oui, Primark. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Je me permets de vous appeler car il y a une jeune fille qui devait toucher un virement parce qu'elle a travaillé chez vous, mais vous l'avez envoyée sur un mauvais compte et aujourd'hui elle n'arrive pas à récupérer ça. Est-ce que je peux vous passer quelqu'un qui va vous expliquer en détail l'affaire? Alors attendez, hein, je vois avec ma responsable. Merci. Ne quittez pas. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, vous passez ça à Maître Felloneau, au négociateur. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Vous prendrez la parole, Maître Felloneau. Nous allons nous retrouver pour avancer sur différents dossiers. Trois déjà ont été lancés depuis 9h30. Et puis vous le savez, dans la dernière demi-heure, nous allons revenir sur les cas qui ont bloqué. Mais les équipes se battent tous les après-midi pour faire avancer les dossiers. Nous avons quelques avancées à vous annoncer ce matin. Vous avez choisi RTL. 9h30, 11h. I see a sign that says goodbye. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900 € avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900 €. C'est ça, 8 900 €. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Passe en retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but! Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose dans ses 110 centres des stages en petits groupes pour reprendre le rythme en douceur avant la rentrée. Réservez vite une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia? Comprendre, ça s'apprend. Léo? Ah non, pas Léo, Théo. Léo? Théo. Léo? Théo. Bon, dans tous les cas, la chambre du bébé, jaune. Chez Cogedim, vous pouvez personnaliser chaque mètre carré de votre futur appartement neuf. En revanche, jaune poussin. Non, jaune citron, on avait dit. Jaune poussin. Le plus dur, c'est encore de se mettre d'accord. En devenant propriétaire d'un appartement neuf Cogedim, vous avez toutes les options pour profiter de mètres carrés à votre image. Et jusqu'au 10 juillet, profitez d'offres exceptionnelles. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'infos sur cogedim.com. L'outil qui fera de la fête des pères un jour inoubliable se trouve cette année dans le pack Fête des pères de Beer Wolf. Il renferme 12 délicieuses bières artisanales et de spécialité. Livraison gratuite à domicile, chez vous ou votre père. Rendez-vous maintenant sur beerwolf.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. SoCook. Cuisine équipée. Chez SoCook, c'est cadeau sur l'électroménager Beko. Du 6 au 30 juin, pour un électro acheté, un électro offert, deux achetés, deux offerts, trois achetés, trois offerts. Et ça, c'est SoElectro. SoCook. Cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur SoCook.com. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement, c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz d'EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuit. Offre de marché soumise à condition. Disponible sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sœur, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Femme actuelle, un thriller qui nous tient en haleine de bout en bout, palpitant, flamboyant. L'Express, toujours aussi efficace. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490 €. C'est une 5 portes ? Oui, 6 490 € avec 5 portes et vitre avant électrique. Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 6 490 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Panda 1 litre 2, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes sur le cas de Nadia, je le rappelle. Je vous appelle des Alpes-Maritimes pour ma fille. Entre deux contrats, elle a changé de banque. Donc le virement de son salaire du mois de mai 2017 a été fait sur son ancien compte. Et ben, depuis, elle n'arrive pas à récupérer son argent. La banque et son ancien employeur se renvoient la balle. Effectivement, l'employeur dit « ça ne me suffit pas de savoir que vous me dites que ça a été versé sur un mauvais compte, il me faut un courrier de la banque signé, tamponné en bonne et due forme ». La fille a fait la demande, mais la banque lui dit « nous, on ne fait pas ce genre de courrier ». Donc maintenant, la fille doit s'asseoir sur ses 554 €. Vous vouliez dire, Maître Felonneau ? Oui, moi je suis quand même assez étonnée des difficultés qu'on a à trouver un téléphone et quelqu'un pour nous répondre normalement, parce que c'est quand même une société qui a entre 5300 et 5399 salariés. On n'est pas dans une petite boîte, on n'est pas sur une domiciliation, d'accord, on est vraiment sur une énorme groupe, énorme groupe. Nous avons essayé sur une énorme groupe. Oui, nous avons essayé d'appeler Primark, le centre commercial Polygon Riviera. Nous sommes tombés sur une dame qui était très loin de son téléphone et qui nous a dit « j'essaie de vous refaire vivre cette conversation si vous n'étiez pas là ». Donc on a cru comprendre qu'elle pouvait nous passer personne. Donc nous avons essayé un deuxième numéro où là je crois qu'il y a eu un raccrochage. Où en sommes-nous, ma petite Céline ? Eh bien c'était le deuxième numéro, le service des ressources humaines. On m'a dit qu'on pouvait rien nous dire par téléphone, que notre auditrice devait envoyer avec sa fille des courriers. J'ai dit que ça avait déjà été fait de nombreuses fois, donc elle m'a donné un autre numéro. Ce numéro ne répond pas. Christine Loisy, vous êtes la directrice générale de Primark, centre commercial Polygon Riviera. Il vous suffit de donner un petit coup de fil à la banque qui vous dira qu'effectivement, elle a viré l'argent sur un compte clôturé. Maintenant, on va appeler quand même la banque parce qu'il n'y a pas que Primark dans l'histoire. Il y a quand même la banque qui s'aperçoit qu'elle vire de l'argent sur un compte clôturé. Déjà, comment peut-on virer de l'argent sur un compte clôturé ? Donc cet argent, il est là. Il faut le rendre tout simplement à Nadia. On est d'accord, Maître Novakovic ? Tout à fait, Julien. Qui, pour vous, serait en première ligne s'il y avait une attaque ? Pour moi, ce sont les deux qui sont en tort parce que effectivement, l'employeur voit bien dans ses comptes que ça n'a pas été débité ce règlement. Il suffit qu'elle se désengage sur l'autre règlement et c'est réglé. Bon, maintenant, la banque de son côté, qu'est-ce que ça lui coûte de faire une attestation comme quoi ? Effectivement, il y a un rejet du règlement. Donc, c'est n'importe quoi. Des deux côtés, j'estime qu'ils sont de mauvais choix. Là où cette émission est géniale, c'est qu'encore une fois, je fais toujours la même comparaison. Dans quelques temps, on partira en week-end sur la Lune. Dans très peu de temps, on est capable de faire des miracles, de faire revivre des gens qui n'avaient aucune chance de le faire, d'inventer des cœurs artificiels. Par contre, faire une lettre qui dit « effectivement, nous avons envoyé l'argent sur un mauvais compte », ça, personne n'est capable de le faire en 2018. Alors, appelons ceux et cette banque, vous les connaissez bien, Hervé, oui. Je vous laisse me faire une alerte. Dès que vous avez quelqu'un en ligne à la banque, vous me le passez. Pareil pour vous, Céline, dès que vous avez quelqu'un chez Primark, Centre commercial Polygone Riviera. Madame Loisy, si vous connaissez Madame Loisy, essayez de la joindre. Oui. C'est tellement idiot de passer autant de temps. Mais c'est ça le but de l'émission. Nous allons revenir maintenant à l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. Bah, vous voyez, on était à Cagnes-sur-Mer, là maintenant nous partons à Nice. Car nos amis de Nice Matin nous disent qu'un homme vient d'être condamné pour abus de confiance et escroquerie. Ce septuagénaire avait organisé une soirée musicale au profit d'une association venant en aide aux enfants transplantés ou en attente d'une greffe d'organes. Lors de l'événement, 3000 euros avaient bien été récoltés, mais aucun centime n'a été reversé. D'après l'organisateur, cet argent aurait juste servi à payer les fournisseurs. L'argument n'a pas convaincu le juge. Notre homme a écopé de 6 mois avec sursis. Pourquoi avec sursis ? Et devra reverser l'intégralité de la recette. Moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, quand on utilise des causes comme ça, enfant malade, maladie, etc., pour voler de l'argent, ça devrait être le double. Le double, parce que il y a des gens qui viennent et qui se saignent. Nous, on le voit ici sur RTL, quand des fois on vous demande un petit coup de main pour aider, vous le faites. Et certains disent, je ne peux donner que 5 euros parce que je ne sais pas ce que je vais manger demain, je vais les donner quand même. Et quand on utilise ce genre d'argument, ça devrait être le double, maître Novakovic. Je suis complètement d'accord avec vous et ce dossier est absolument odieux parce que il a été condamné pour cet événement-là, mais finalement le tribunal l'a également condamné pour un autre fait, c'est qu'il avait également prétendu qu'il y avait un don fait au Secours catholique. Là encore, c'était faux. Donc, si vous voulez, c'est scandaleux. Oui, mais il a ses du sursis, donc il ne va pas y aller. Il a aucune chance. Il est au moins condamné à rembourser les sommes qu'il a prises. Bon, écoutez, voilà, à vous de juger, mes amis. Nous allons passer au cas en attente. Sur quoi partirons-nous, Charlotte, s'il vous plaît ? On commencera par Marion. Elle avait dû régler plus de 2000 euros pour une serrure cassée. On s'était rendu compte que ce prix était complètement excessif. Et sur les trois premiers cas, nous attendons donc des nouvelles de l'agent. Je vais sortir le porte-voix, ça répond toujours pas à l'agence ? Eh bien non, malheureusement, on a plusieurs numéros, aucun ne répond. Alors, rappelez-nous le cas de l'agence, s'il vous plaît, Charlotte. Oui, c'était le cas de Joël. Elle a un appartement en gestion dans une agence immobilière, mais cette agence a mal géré et ne lui a pas versé les loyers. Alors, elle a été condamnée par la justice, mais n'applique pas le jugement. Nous appelons donc l'agence Boudet-Dauphès. On dit Dauphès, j'espère. Boudet, B-O-U-D-E, T, Dauphès, D-A-U-F-E-S. Vous diriez Dauph ou Dauphès ? Dauphès. Bon. Immobilier. Elle se trouve, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Boudet-Dauphès, 3 rue Edgar Quinet à Alès. C'est Corinne Boudet et Alain Dauphès. Il y a une condamnation. Car apparemment, il y a des petits problèmes en plus dans la société. Vous devez 4 384 euros. Merci de nous rappeler au plus vite et de nous dire ce que vous comptez faire. Boudet Dauphès à Alès. Il y a beaucoup d'S. Hein. 3 rue de Garquinet. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Donc maintenant, vous le savez, c'est le Money Time. À n'importe quel moment, il va y avoir des appels qui vont arriver. Donc ça va bouger dans tous les sens. Et nous, en fil rouge, dans cette dernière demi-heure, que faisons-nous ? Pas du tout. Nous allons faire autre chose. Revenir sur les cas qui sont en attente. À 11h sur RTL. Ancel pour à la bonne heure. Vous oubliez votre cheval. Avec Stéphane Bern. Que nenni, direction Chantilly, avec mon invité Sophie Talman. Ce matin à 11h pour le Prix de Diane. Et puisqu'on parle d'élégance, ce sera aussi le retour des coquettes. Bref, c'est que du bonheur, c'est... La bonne heure à partir de 11h sur RTL. A tout à l'heure avec les coquettes et Sophie Talman. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 euros offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 euros. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Mercedes-Benz. Alors, tu le veux où ce tatouage ? Sur l'épaule. Pas de problème, Cécile, dans un cœur sur l'épaule. C'est qui cette Cécile ? Ma copine. Ça fait combien de temps, vous deux ? On s'est rencontrés hier soir en boîte. Ok. L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez toutes nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. Leclerc. Oh génial, t'as acheté des cerises. Chez Leclerc, des cerises françaises et à prix Leclerc. Elles sont délicieuses. Ah ben on est en plein dans la saison des cerises là. J'adore. Mais bon ben on se calme. Encore une. Du 12 au 16 juin chez Leclerc, la barquette de 750 grammes de cerises catégorie 1 calibre 26+, origine France, est à 3,49€, soit 4,65€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. T'imagines même pas combien j'aime les cerises. Ah si si, on a bien compris là. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, quand les vacances approchent, entre l'hôtel, les restos en terrasse ou encore les excursions, on voit notre budget fondre comme une glace au soleil. Alors vite, on active notre radar à bonnes affaires. Ne cherchez pas plus loin. Jusqu'au 14 juin, pendant les Happy Box Days de SFR, la box starter est à seulement 9€ par mois pendant 12 mois, puis 35€ par mois. Appelez le 1090, service appel gratuit. Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, box mise à disposition, frais d'ouverture de service 49€. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et parfois, les réseaux sociaux ont quand même du bon. Il y a beaucoup d'abrutis, vous savez, qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux, mais aussi des gens qui essaient de faire le bien autour d'eux. Et c'est le cas de M. Sacco qui est en ligne avec nous. Un tweet hier m'a interpellé où il disait « Nous avons été sollicités pour prendre en charge César, c'est un toutou, qui sera tué demain, faute de place en fourrière. Malheureusement, nous n'avons pas de famille d'accueil disponible. Pour rappel, une famille d'accueil égale une famille temporaire. Il est hoquet, congénère et chat, actuellement en région parisienne. Un covoiturage est possible pourvu qu'il puisse continuer à vivre avec un numéro de téléphone. » J'ai renvoyé un tweet à ce monsieur en lui disant « Je vais essayer de vous appeler demain sur RTL car il faut aider ce toutou qui a l'air d'être amour en plus. » Monsieur Sacco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Coupin, c'est ça ? Bonjour, vous êtes président de l'association Respectons. Exactement, oui. Alors. Alors, je vous entends très mal, monsieur Sacco. Est-ce que vous êtes dans un endroit qui capte bien ? Vous avez peut-être un haut-parleur ? Oui, j'ai enlevé le haut-parleur, peut-être voilà. C'est plus facile. Super. Vous m'entendez mieux. Je vous entends. Allez-y, expliquez-nous ce petit toutou, donnez-nous des détails. Il faut vite l'adopter ou au moins trouver une famille d'accueil. L'adopter serait mieux, oui. Sinon il serait euthanasié. Alors, l'euthanasie était prévue pour aujourd'hui. Faute d'avoir trouvé une solution, donc on a réussi à faire différer l'euthanasie à vendredi. Donc on a quelques jours de répit pour trouver une solution de repli pour César. Famille d'accueil, comme vous l'avez très bien dit, ou de préférence adoption. Mais malheureusement, cette situation nous est coutumière. Bien sûr. Toutes les semaines, car quasiment on est sollicité par les fourrières pour prendre en charge des animaux et surtout alors, des animaux de catégorie. Parlez-nous de César précisément. Quel âge a-t-il ? Alors César, il a à peu près 2 ans. C'est un Rottweiler qui a une vie plutôt infâme puisque il était dans un appartement privé de nourriture et ses propriétaires avaient déjà été condamnés par le passé pour des sévices graves envers animaux domestiques. Et aujourd'hui, donc il est s'est retrouvé donc en fourrière. Bon. Et il est gentil vraiment parce que ouais, comme tous les Rottweilers, ce sont des chiens sympas, des chiens de famille, hein. Gentils avec ses congénères. Rottweiler, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ça se rapproche du Labrador, parce que souvent les gens font la confusion avec des gens, avec une autre race qu'on taira d'ailleurs, mais le Rottweiler c'est un gentil toutou qui fait des grosses léchouilles bien baveuses sur les joues en général. Tout à fait, vous avez l'air de les connaître. Exactement. Très bien. C'est tout à fait ça. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, ce chien il a 2 ans, vous avez peut-être un petit jardin, vous avez envie d'acheter un chien, ben, c'est le moment de faire une œil et il va vous le rendre au centuple. Il va être euthanasié sinon, on va lui faire une piqûre, il va mourir, lui qui a déjà souffert, qui a déjà vécu la souffrance, la privation de nourriture. Est-ce que ça serait pas bien? Est-ce que ça serait pas une manière formidable d'offrir une nouvelle chance à ce chien? Il faut pouvoir s'en occuper, bien sûr, mais ça, Patrick Sacco vous posera toutes les questions. Soyons sympas, allons-y. Alors, comment peut-on faire, monsieur Sacco, pour... Il y a un numéro de téléphone, on va peut-être pas donner votre portable. Comment je fais pour dire aux auditeurs d'aller vers vous? Si, vous donnez mon portable, hein, et après je gérerai, puisqu'on est quand même nombreux dans l'association. Bon, alors, nous, dispatcher les appels, vous si allez, y en a beaucoup, ce que j'espère. On met tout ça sur le Facebook. Votre portable est le 06 07 65 60 72. 06 07 65 60 72, on le met sur le Facebook tout de suite, s'il vous plaît, la photo de ce toutou. Allez mes amis, soyez sympas, et puis si c'est un problème après, par exemple, de se dire oui mais pour la nourriture, s'il faut on organiserait une petite collecte pour vous payer des croquettes d'avance, vous inquiétez pas, mais sauvez ce chien qui sera piqué sinon vendredi, il l'a pas mérité. Jusqu'à présent sa vie ça a été un échec total, martyrisé, pas nourri, mince, il a le droit à une deuxième chance, et je suis sûr, je vous assure, je ne le fais pas parce que j'en ai un, et en avoir deux dans et un moi, appartement, j'en ai deux. C'est compliqué. Mais voilà, si vous en avez la possibilité, alors, faites-le. On se tient au courant, Patrick, le premier qui a des nouvelles, aide l'autre, le dit. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Je vous en Bonne prie. Journée. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL après avoir écouté, bien sûr, ce chef-d'œuvre de Travis, Sing. Et nous reprenons les cas juste derrière. Voilà, de temps en temps, vous savez, on aime les animaux. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais il y a encore... Une famille qui a pris 6 mois avec sursis, pour avoir donné des coups de ceinturon à un chiot. Enfin mince, à un moment donné, faut taper fort là maintenant. Oui, je suis complètement d'accord. Ces gens-là doivent comprendre que ce n'est plus possible, qu'on ne peut pas toucher à des animaux. RTL est là pour vous aider, à tout de suite. Allez, ce petit toutou César, il vous attend, il n'attend que vous. Baby, you've been gone so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. For the love you bring won't mean a thing unless you sing. Sur RTL, dans quelques instants, point info, puis retour sur les cas en attente sur l'antenne d'RTL. Il y en a pas mal, mais nous les faisons progresser. Vous allez avoir quelques avancées. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à vous tous. RTL. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer la sécurité de ma maison, pas question d'improviser. J'ai choisi sans hésiter la caméra Welcome de Netatmo pour veiller sur ma famille quand je suis absent. La caméra reconnaît les visages et je reçois seulement les alertes qui m'intéressent. La babysitter qui rentre avec les enfants, un inconnu, ma femme. Non, je la surveille pas. On sait jamais si elle voulait m'organiser une surprise. Comme Alexandre, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente. Tout simplement. Belle matinée sur RTL. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte ? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie ? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout... À l'occasion des jours Nouveau Départ ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz d'EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuit. Offre de marché soumise à condition. Disponible sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chez Feu Vert, pour votre sécurité, pas question d'improviser. Jusqu'au 23 juin, les plaquettes de frein Bosch posées, qualité équivalente à l'origine, sont à moins 50%. Modalité sur feuvert.fr. L'outil qui fera de la fête des pères un jour inoubliable se trouve cette année dans le pack Fête des Pères de Beerwulf. Il renferme 12 délicieuses bières artisanales et de spécialité. Livraison gratuite à domicile, chez vous ou votre père. Rendez-vous maintenant sur beerwulf.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. So Cook, cuisine équipée. Chez So Cook, c'est cadeau sur l'électroménager Beko. Du 6 au 30 juin, pour un électro acheté, un électro offert, deux achetés, deux offerts, trois achetés, trois offerts. Et ça, c'est So Electro. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur socook.com. Chérie, avant de faire les papiers de la voiture avec le monsieur, on peut essayer un truc ? Bah si tu veux, ouais. Ah bah ok, allez-y. But à la 90e minute. Ok, c'est bon, on la prend. Pas de problème. Volkswagen, à l'épreuve des supporters. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. Et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVI MCD Santé Vitalité. La complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Vous écoutez le 9h30 sur RTL. Alors nous avons une alerte apparemment sur l'agence. Rappelez-nous Charlotte rapidement le cas. Joël, depuis 3 ans, elle attend que l'agence immobilière qui avait son appartement en gestion lui verse les 4000 euros qu'elle a été donnée. Allô. Allô. Bonjour monsieur, madame. Allô. Allô, allô. M'entendez-vous? Un peu, de loin. Oui, madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Je suis en direct sur la radio RTL, madame, je vous appelle car, a priori, il y a un petit souci avec un jugement où vous avez été condamné à payer 4 384 euros à une personne. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit ? Il s'agit de Joël Corbier. Allô, madame, pouvez-vous parler près du téléphone, s'il vous plaît ? Oh là là, je vais vous dire, je ne sais pas si la société en question a des difficultés, mais elle ne va pas tarder en avoir si elle répond comme ça quand on les appelle. C'est du grand n'importe quoi. Bon ben, essayez bien jouer. Boudet d'aux fesses, c'est à Alès. Voilà un slogan que je leur fais cadeau. Pourquoi pas ? Boudet d'aux fesses, c'est à Alès. Et ça se trouve rue Edgar Quinet. Vous les rappelez, Hervé, s'il vous plaît. Nous étions sur le point de faire un point info. Donc voilà, premier cas, Joël, propriétaire d'un appartement. L'agence est condamnée puisqu'elle n'a pas encaissé les loyers qu'elle aurait dû lui reverser. Nous avons établi le contact, il y a eu raccrochage. Nous allons insister, cette dame a peut-être cru que c'était une blague. Deuxième cas, celui de Jean-Marie. Son fils a été blessé par une pierre tombée du mur qui sépare sa propriété et une maison de retraite. Il est urgent que des travaux soient faits, mais rien ne se passe. Et là, de ce côté-là, nous avons toujours personne du côté de la maison de retraite qui nous a raccroché au nez. La résidence Gandry en Bel Air. La résidence Gandry en Bel Air qui se se trouve à Saint-Sauveur-en-Puisé, où nous avons eu une dame. Nous essayons d'avoir monsieur François-Xavier Lejeune du côté de la mairie. Est-ce qu'on a pu avancer, Céline ? Eh bien, la mairie ne répondait pas. Toutes les personnes en charge du dossier étaient absentes. Alors, nous allons essayer d'avoir monsieur Johan Corde. Vous êtes le maire de Saint-Sauveur-en-Puisé. Pour avancer sur ce dossier, vous inquiétez pas, Jean-Marie. Dès demain, nous le reprenons en direct. Nous essayons d'avoir tout le monde. Il est prévenu. Là, actuellement, il travaille. Sa secrétaire ne peut pas le déranger, mais lui a envoyé un SMS. Ça marche. Troisième cas, celui de Nagia. Depuis un an, l'employeur de sa fille et son ancienne banque se renvoient la balle. Son salaire a été versé sur un compte clôturé. La banque dit que le virement n'est pas parti des comptes de l'employeur, mais l'employeur veut un courrier officiel de la banque. Et malheureusement, la banque ne fait pas ce genre de courrier. On se retrouve au milieu d'une partie de ping-pong avec Nagia qui est un peu désespérée. Nous avons tenté d'avoir le Primark Centre Commercial Polygone où là, ça a été super compliqué. Une dame qui parlait de loin, on ne comprenait rien. Nous avons essayé ensuite d'appeler la directrice générale Christine... Non, je dis n'importe quoi. Si, c'est Christine Loisy. Oui. Et nous n'arrivons pas à les avoir pour l'instant, Hervé. Non, quelques difficultés. Mais la banque, là aussi, beaucoup de difficultés pour avoir le service client de la banque postale. Donc, je me suis permis de contacter plus haut. La direction générale. Oui, bah, franchement, là, il n'y a que qui peuvent nous aider, la banque postale. Enfin, il suffit de faire un papier. Voilà, vous prenez un petit ordinateur. Même s'il n'est pas de dernière génération, ce n'est pas grave. Et en combinant voyelles et consonnes, oui, ce compte, l'argent n'a pas été sur le compte de cette dame. Vous pouvez lui redonner. Et si l'histoire, elle est réglée. Non, mais c'est incroyable. Hein. C'est fou. Incroyable. Mais ce pays meurt de ça. Ah non, mais c'est dramatique. De dispositions qui font qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de courrier. Donc les histoires se bloquent. On en est là à parler à la radio. Donc il faut vraiment que la banque postale nous prouve que quand il y a un petit souci comme ça, elle fait ce qu'il faut pour aider ses clients. Parce moi, que j'aimerais si... bien voir le texte de loi qui leur interdise de faire ça. Parce que moi, je pense que c'est interne. Bien c'est sûr. Pas du tout une obligation légale de ne pas répondre à son client. Et Primark, pour être un peu plus cool aussi, avec une employée qui a bossé, voilà, il suffit de donner un coup de fil à la poste. En tout cas, ça va s'arranger, j'en suis sûr. Il faut que Nagia nous fasse confiance. On y revient demain matin, s'il vous plaît, les équipes. Nous allons en venir dans une seconde sur le cas de Marion. Voilà ce que Marion nous avait dit vendredi. Je vous appelle de Paris. Un serrurier m'a pris 2347 euros alors qu'il m'avait certifié en arrivant que l'intervention ne dépasserait pas les 400. Depuis, j'ai découvert que la serrure facturée 1759 euros ne coûte en réalité que 200 euros. Nous avions eu, je crois, en ligne Evoli Assistance. JB, où en est-on dans ce dossier ? Oui, Julien, on avait eu quelqu'un très rapidement. On voulait parler au gérant et finalement, le gérant n'était pas disponible. Alors, j'ai rappelé l'entreprise, comme convenu, l'entreprise de serrurerie Evoli Assistance. Le gérant Elliot Berda n'était toujours pas disponible. D'après la secrétaire que j'ai eue, il sera en vacances en ce moment à l'autre bout du monde. Alors, j'ai demandé gentiment à cette dame de lui envoyer un message, comme on le fait habituellement, pour quand même le tenir informé. Et là, elle s'est énervée. Je vous cite texto ce qu'elle m'a dit. Je ne vais pas appeler le gérant parce que Julien Courbet a fait sa petite crise. Je m'en fous, moi, de Courbet. Puis elle a ajouté, vous n'avez qu'à rappeler tous les jours si ça vous amuse. Et elle a raccroché. D'accord. Alors, je ne fais pas, madame, ma petite crise. J'en fais de temps en temps des petites crises, mais j'évite de les faire sur l'antenne d'RTL. Nous vous appelons simplement Evoli Assistance et monsieur Berda qui est en vacances et nous allons le laisser finir ses vacances et nous allons le rappeler quand il va rentrer. Car apparemment, une serrure a été facturée 1759 euros alors qu'elle en vaut 200. Voilà, alors aujourd'hui... En plus, je crois qu'on n'avait pas un autre client qui avait subi la même mésaventure. Oui, tout à fait. Sarah également, qui nous avait appelé, qui est une auditrice aussi. Et elle, c'était encore deux fois plus cher. C'était plus de 4000 euros. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir Evoli Assistance, vous voyez, sans faire de crise, madame, et en restant tout à fait calme. Donc, merci à Elliot Berda, qui se trouve actuellement à l'autre bout du monde. Déjà, un, d'en profiter. Et deux, quand il rentrera, nous allons attaquer. Mais il faut qu'elle fasse... Est-ce qu'elle a lancé sa lettre à la répression des fraudes? J'espère qu'elle l'a fait, effectivement, car c'est le seul moyen de vérifier si c'est bon, une mésaventure tout à fait unique ou si au contraire ça a l'air d'être quelque chose d'assez bien rodé qui se répète très souvent et il n'y a que la DGCCRF qui peut centraliser ces plaintes et à ce moment-là décider elle de saisir le parquet bon. S'il le faut. Marion, vous continuez, vous faites cette lettre, vous avez eu l'occasion de l'envoyer ou pas encore ? Oui, bonjour. Oui, c'est... je l'ai envoyé vendredi. Génial. Nous continuons. Demain, sur l'antenne d'RTL, nous rappellerons pour savoir si M. Berda est rentré du bout du monde. lui, qui est le patron de Evoli Assistance. Je vous rappelle demain, Marion. Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, allez, en ce qui nous concerne, nous allons là marquer une petite pause parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, ça va dans tous les sens. Et souhaiter bonne chance à tous les Bleus qui vont attaquer quand commence la Coupe du Monde vendredi, je crois, ce week-end. Et la France joue quand ? La France, elle joue samedi contre l'Australie. Voilà, la France va jouer samedi contre l'Australie. Nous serons tous devant nos téléviseurs entre 9h. Hey, hey, hey !

Éric Doliger, à qui nous lançons un message, s'il vous plaît, essayez de nous rappeler. Cette dame était là quand vous en aviez besoin. Donc il serait peut-être sympa d'essayer de lui parler pour voir comment vous pouvez vous arranger, même avec un échéancier, pour la rembourser. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs avec un chèque de cette nouvelle société qu'il a fait le premier versement de 3 500 €. Donc il est in bonis, comme on dit. Et en plus, il s'est engagé à titre personnel. Donc il n'a aucune raison de ne pas payer et de faire au moins un effort, effectivement, pour montrer sa bonne foi. Que doit faire maintenant Catherine? Nous allons continuer à essayer d'appeler Monsieur Doliger pour qu'il nous donne sa version des faits, parce que c'est très important. Mais que doit-elle faire maintenant? Alors, elle peut effectivement toujours saisir le tribunal. La seule chose, c'est que comme sa créance est supérieure à 10 000 euros, c'est de la compétence du tribunal de grande instance, avec le ministère d'avocat obligatoire. D'accord. Ça veut dire qu'effectivement, ce sont des frais engagés. Mais vu la somme, ça vaut quand même la peine de le faire. Ah ouais, il faut qu'elle le fasse. Voilà, si Catherine nous écoute, on va essayer, on va continuer appeler Monsieur Éric Doliger, qui se trouverait du côté de Campagne-les-Hédins, dans le 62, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres. Oui, Julien, moi j'ai une règle d'or, effectivement, dans ce dossier. On y va. La règle d'or sur RTL. Quand une personne vous doit plus de 10 000 euros et que celle-ci tarde à vous la régler, premièrement, vous leur essayez une lettre commandée, bien sûr. Vous voyez effectivement sa réaction. Et si au bout d'un mois, vous voyez que rien ne se passe, n'attendez pas, saisissez un avocat qui lui-même adressera également une mise en demeure, puis assignera devant le tribunal de grande instance et demandera le remboursement des frais d'avocat et également des dommages et intérêts. N'ayez pas peur de la justice. Merci pour ce conseil et pour Catherine. Retour demain, puisque nous allons suivre ce dossier. Éric Doliger. Je vois, Hervé Pouchol, que vous m'avez calé sur votre téléphone portable une version de Kalinka de 85 d'Yvan Reymond. Bien sûr. Et vous pensez que c'est la bonne? Ah oui. Écoutons, vous voir. Écoutez. Vous n'avez peut-être pas calé au bon endroit. Ah oui. C'est vrai. Oui, la France, elle voit gagner. Oui. Oui, la France. Et la France, elle va gagner. C'est formidable, ça. Bon, allez, Xavier Cassoui, je vais vous préparer. Ça fait un peu amateur, là, aujourd'hui, tout ce qu'on fait. Mais demain, une version professionnelle. Une version digne d'RTL. C'est gentil. Et non pas de Radio del País, comme on aurait pu le croire maintenant. Il s'est passé énormément de choses. Je vais vers très vite, parce qu'on a fait beaucoup de points infos. Joël est la propriétaire de l'appartement qui gagne face à l'agence. Malheureusement, Boudet Dauphès nous a raccroché au nez, nous les rappelons demain. Boudet Dauphès, Corinne Boudet, Alain Dauphès à Alès. Le cas numéro 2, c'est celui de Jean-Marie, propriétaire d'une maison. Sa parcelle est séparée d'un mur qui s'écroule et qui serait dangereux. La résidence Gandry en Bel Air, Monsieur François-Xavier Lejeune doit nous rappeler, on l'espère, on le rappellera demain. J'espère, elle nous a simplement dit que les services techniques de la maison de retraite étaient déjà intervenus question sur le mur. Question numéro 3, pas question, mais cas numéro 3, Nagia qui appelle pour sa fille pour la grande enseigne, donc la poste là qui veut pas faire un papier, la pauvre, alors que l'argent est parti sur un compte clôturé, il faut vraiment que la poste fasse ce papier parce que là c'est ridicule. Donc on essaie d'avoir demain, et puis tout le reste vous venez de l'entendre, ça a bien bougé ce matin sur RTL. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le filet de 1,5 kg de pommes de terre Carrefour Bio Origine France à seulement 1,90 €. Alors cuisiner en salade, au barbecue, en papillote, à la maison tout le monde adore. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio française sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour, Carrefour Market et aussi dans leur drive, le filet de 1,5 kg de pommes de terre Carrefour Bio est à seulement 1,90 €. Carrefour. Soit 1,27 € le kilo, catégorie 2, calibre 35+, différentes variétés, détails produits sur carrefour.fr. Allez, dis-moi, t'as une bonne nouvelle à m'annoncer. C'est exactement ça, Antoine Griezmann. Dans mon magasin Sport 2000 dernier, il n'y a que des bonnes nouvelles. Surtout pour les papas avec notre dernière sélection. Mais quel genre de sélection? Une sélection du genre. Les papas vont être ton 12e homme, Antoine. Regarde, jusqu'au 17 juin par exemple, le t-shirt supporter homme Griezmann est à 12 € au lieu de 14,95 €. Soit 19% de remise. 12 € comme 12e homme. Alors là, ça match. Venant d'Antoine Griezmann, ça fait plaisir. Ça match. Voir conditions en magasin. Et si on parlait de la French Touch Renault? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Rendez-vous aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Mégane en LLD est à partir de 169 € par mois sous condition de reprise. Pour Mégane Life TCE 115 sur 49 mois avec un premier loyer de 1 800 € jusqu'au 30 juin si accordiac. Voir Renault.fr, French Touch, touche française. L'Antarctique, c'est le livre de Mike Horn. Traverser l'Antarctique, c'était son rêve, la plus impossible des aventures.